Vaticool. Station, station. La station de la station. Bonsoir. Je suis Roger Delisle, le pape du cool. Vous écoutez Vaticool, diffusé en direct depuis les prestigieux studios Grand Room. Sur station, station, la station, la station. Porte d'Aubervilliers, 75-018, Paris, jonction 18e-19e, la station Gare des Mines, sans fort, la Mireille Lançant. Lors du dernier épisode, la mise en chantier d'un monument d'envergure particulièrement encombrant avait été évoquée. Malheureusement, on s'est rendu compte que construire une pyramide était une super idée, mais qu'elle avait plusieurs inconvénients. Les pyramides, c'est très long à construire. Notre invité n'avait pas plus de temps à nous accorder. D'ailleurs, l'épisode précédent se situait dans une faille temporelle, seul moyen de pouvoir faire venir Bester. Et enfin, on m'a dit, Roger, ton émission s'appelle Vaticool. N'y a-t-il pas un monument un peu plus raccord à construire? Plus raccord? Ok, les gars, mais le Taj Mahal... Une cathédrale! Bien sûr, faites entrer les invités. Et bonjour. Salut Roger. Salut Louis. Salut. Possible d'avoir la réverb du coup? Constructeur joli garçon de cathédrale gothique à trois flèches, perfecto argenté et bout de scintillon, négroni délicieux, cigarette roulée, fromage fondu, camembert coulant. Mesdames et messieurs, Louis X Legris dans notre émission. Salut. Mais il n'est pas seul. Ballon d'or de la Stratocaster 2017, membre émérite des ex-catholiques Spray, Holy Grail et la secte du futur, dessinateur vitrailliste connu dans certains milieux sous le pseudonyme de Pedro le roi du disco et utilisateur fameux de la phrase « Il est où l'after ?» Mesdames, Mesdemoiselles, Pierre Tatin est dans notre émission. Yo. Et à la régie, vous avez manqué... Qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon fidèle Sherpa caribéen plusu-plusu? Des quoi? Des vacances? Mais vous êtes cruel! C'est terrible de laisser les gens, à rien foutre, sans travailler ni rien. Ah! Et vous n'êtes pas censé devenir ma Love Interest du 3ème arc, ok, c'est noté. C'est quoi votre nom? Sandra? Sandra comment? Sandra tout court? Jean-Pierre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à la régie AD4, Sandra tout court! Ça commence à faire un sacré paquet de personnages, mine de rien. On va devenir One Piece avec toutes ces conneries. Une émission avec des caractères gothiques, du fromage fondu, des templiers, de la danse, 5 balles dans la poche, des minarets, des chansons en français, des châteaux forts, de nouveaux jingles. Bienvenue dans Vaticool épisode 11. On est toujours un programme anophonique garanti sans écriture inclusive. Un disque. Qu'est-ce qu'on écoute en premier? Batushka. On écoute Batushka. Vas-y, mets Batushka, Roger. Batushka. Et Batushka, c'est parti. Thank you. Vas-y, cool. Bonsoir. Ça décrase. Test. Test. Ah, c'est bon, c'est fini les tests. Ok. Possible d'avoir de la réverb? Bonjour invité. Présentez-vous. Salut. On va commencer par le joyeux jeune homme en veste motif poteau de PCC. Je m'appelle Louis X Le Gris, j'ai un label qui s'appelle Circum Records parce que j'avais beaucoup trop d'argent. Et à ma droite. Salut, moi c'est Pierre. Écoute. Parle bien dans le micro, Pierre. Salut Roger, moi c'est Pierre. Écoute, je viens grâce à ton invitation pour parler de ma musique et vendre plein de disques. Plein, on est d'accord. On est d'accord. Comme ça, je vais récupérer mon argent parce que j'en ai plus maintenant. Louis X Le Gris, c'est la parfaite combinaison entre l'élégance et le fromage fondu. À la fois radical et raffiné dans ses choix artistiques. Et ce choix, il l'a fait. Pas de l'argent en produisant des disques déprimants et beaux. Jamais de crowdfunding, parce que c'est en portant ses couilles que l'on peut dégager la fierté du travail accompli. Et de toute façon, s'il n'y a pas de risque, c'est pas marrant. À côté, il est barman, il est super doué, il connaît 300 cocktails, ils sont super bons et ce n'est qu'une passade avant de tenter sa vie avec ceux qu'il aime. C'est peut-être là qu'on pourrait dégager un point commun avec tous les invités de Vaticool. Des gens plus ou moins géniaux qui vivent de boulot moyen et se lancent dans des projets sinon suicidaires, au moins foutus d'avance parce que quitte à commencer par une vie à la con, autant regarder vers le haut histoire de sinon pouvoir s'acheter un manoir géant avec une piscine olympique en forme de cathédrale à trois flèches, avoir fait un truc vraiment intéressant qui contribue à la légende. Un château dans les Alpes, pas un manoir. Le manoir, ça craint. Un château dans les Alpes. Un château dans les Alpes. D'accord. Quelle taille le château? Terrain de foot. Ah. La piscine olympique avec la forme de cathédrale à trois flèches, on y est? Ça c'est bon, ouais. Okay. Mais je prends pas de bain. Test. Première blague ici. Les disques, ces disques à lui devraient se vendre à des millions d'exemplaires et pourtant ils sont pressés à 500. Il en vendra 320 et si un bénéfice se dégage, il achètera du camembert et une pizza surgelée chez l'épicier arabe à 4h du matin qui de toute façon sera immangeable parce qu'il s'endormira. Elle brûlera dans son four et sera jetée le lendemain matin. On est d'accord là-dessus? Ouais, mais dans un château dans les Alpes. D'accord, ce sera donc un château dans les Alpes. Enfin, si l'univers était foutu dans l'ordre correct, cette émission aurait un réalisateur et j'aurais trois stagiaires pour écrire mes conducteurs pendant que je serais pendu au téléphone avec les annonceurs qui se bousculeraient au portillon. Si c'était fichu dans le bon ordre aussi, Pierre Tatin mènerait le même train de vie qu'Ozzy Osbourne. Les Catholics Spray étaient un groupe génial et la France aurait dû souvenir de ça et pas de la femme. Et malgré tout ça, on s'en fout. J'ai dit dans mon lancement, ballon d'or de la Stratocaster. Et pourtant, la première question qu'il m'a posée n'est pas... Il est où l'acteur ? Mais plutôt, je pourrais passer du métal et on retrouve un peu de ce côté métal dans Holy Grail. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler seulement de Holy Grail, mais parce que sort enfin le troisième album de la secte du futur. Enfin, ça se passe sûr encore. Avant de continuer, je vous propose qu'on passe un extrait de cet album en exclusivité mondiale. À direct ? Ouais, direct. Ok. Et après, on parle de tout ça. Ça marche. Par contre, quand tu auras des questions tout à l'heure, parle-moi vite, parce qu'à mon avis, je ne comprendrai rien. Ah, vous êtes un peu lent, Pierre, c'est ça? Je suis très lent. Allez, on met le chaos des esprits. On met le chaos des esprits, c'est parti. Vaticool, épisode 11 avec Louis Legris et Pedro, le roi du disco. Ça va ? Ça va. Tu peux raconter une blague, Pedro ? Non. On vient d'écouter du coup le Chaos des Esprits apparaître sur le Wounded Prince. C'est ça. De la secte du futur. Si on cherche bien sur YouTube, on peut tomber sur une démo postée en 2015 qui annonçait le troisième album courant 2016. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est cassé la jambe. En 2 ans ? Ouais, en 2 ans. Bah, tu sais, la musique, c'est long, généralement, tu crois que tu... Parle dans le micro, Pierre. Au test ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans ? Je sais pas, j'ai travaillé. J'avais plus le temps pour faire de la musique. Mais c'est quoi ton travail, Pierre ? Mon travail, c'est de faire des dessins. Quel genre de dessin, Pierre ? Des dessins qu'on met dans des églises ? Entre autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Non, Je sens que tu as l'air assez timide, Pierre. Toujours. Détends-toi. Détends-toi, regarde Louis. En fait, j'ai des dessinateurs pour le canard enchaîné. Ah, mais c'est pour ça. Dessinateur pour Rivarol. Attention, jingle, il est où l'after ? Il est où l'after ? C'est ton jingle désormais, Pierre. Ok. Non, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Pierre, je suis sûr qu'il est en vie parce que tous les samedis soirs, vers 3h du matin, il m'envoie « Il est où l'after ?» en texto. C'est vrai, Pierre ? Tu cherches j'ai jamais de réponse. Généralement, j'ai une réponse le lendemain à 14h. Ah, c'est dommage. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce disque-là ? Qu'est-ce qui... Bah, écoute... On remonte le temps, on est en 2015. On est en 2014 même pour les premiers morceaux. On est en 2014. Voire avant en fait. Les morceaux qui sont très vieux. On est avant les Catholics Frères en 2000. Les Catholics Frères venaient de splitter. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont volé trop près du soleil, les Catholics Frères. C'est dommage. Mais... C'est dommage parce que c'était bien. Ouais, mais bon. D'ailleurs, il te resterait pas un slime qui traîne dans tes affaires ? J'en ai plein parce qu'on a fait rééditer les disques pour partir aux États-Unis. On en a fait genre 500, on en a vendu, je pense, 200. Du coup, il me reste 300 disques. J'ai fait des meubles avec les disques Catholics Frères. Bah, très bien. Pense à me ramener un bout de tes meubles. Ça marche, je t'en donnerai 3. Super. Ok. Dédicacé, j'espère. Pour en donner à tes enfants. Super. Mes nombreux enfants qui, on le rappelle, ne seront pas cool. Non, absolument pas. C'est le TCR numéro 15, c'est ça ? Ouais. Ça fait beaucoup ? Ça fait 20 000 balles. Excellent. Non, ça fait... J'aurais pu commencer à payer un appart. C'est vrai. Voilà. C'est quand même une sacrée production en aussi peu de temps, finalement. C'est quoi ? Ça fait 3 ans, 4 ans que ça existe, Third Coming Records ? En vrai, ça fait vraiment 2 ans, quoi. La première année, on sortit un disque et on en a sorti 14 les 2 autres années, quoi. Donc, ouais. Comment les cathédrales se construisent pas en 2 ans en même temps. Hein. Comment dire ? Comment on fait pour être signé chez Third Coming Records ? Pierre ? Alors. Parle dans le micro. Alors. On propose une after. Comment est-ce qu'on fait pour être signé chez Third Coming Records ? Écoute, moi j'ai écrit à Louis. Pendant un voyage avec Oli Gray à Rennes, on allait jouer et on ne savait pas comment sortir le disque. Du coup, on s'est dit, bah écoute, on a écrit à tout le monde, personne n'en veut. Il reste ce mec. Je lui ai envoyé un mail, je pense, à 18h15. À 18h19, j'avais une réponse sur Gmail. Il me disait, j'en suis au deuxième morceau, mais mec, je suis méga chaud pour sortir l'album. Pour l'histoire, j'avais une jambe, une double fracture à la jambe, j'étais pété de tramadol, j'aurais sûrement pas sorti ce disque si c'était pas. Et je réponds jamais aux mails en 3 minutes. Sachant que les ventes du disque ont pas dû compenser ton absence de mutuelle, je pense. Non. Achetez les disques, s'il vous plaît. Achetez les disques de Third Coming Records. Il y a beaucoup de groupes étrangers d'ailleurs chez toi. T'es finalement un des rares français, Pierre. Là, bah c'est oui, que je parle, comme oui. À peu près tous les labels français sucent les Danois. Donc il y a 90% de production danoise sur Source Coming Records. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette production danoise, Louis ? Ouais, en fait, c'est juste des potes, de potes, de potes, de potes, de potes. Et en fait, c'est tous des méga potes de Bitur. Et au final, il se trouve qu'ils font de la super musique. Donc, ben, voilà, quoi. C'est assez dangereux, du coup, quand je vais à Copenhague. Parce que t'en sais quelque chose, d'ailleurs. Oh oui, j'en sais quelque chose. Effectivement. On peut perdre ses batteurs, on peut perdre ses... Voilà, j'ai d'ailleurs lancé une agence matrimoniale. J'ai lancé une agence matrimoniale, Surcoming. Ça marche beaucoup mieux que le label. Ah, voilà une bonne nouvelle. Tu prends cher avec cette agence ? Par contre, j'ai aucune danoise dans le label, j'ai que des danois, donc... Faut être PD ou danoise. Ou mais on est un label non cisgenre. Et ça, c'est bien. Mais on rappelle quand même que cette émission est garantie sans écriture inclusive. Alors, avant de continuer, je vous propose qu'on passe à un autre morceau. Tu veux qu'on mette des danois ? Mais Shiny Darkly. Shiny Darkly, c'est lequel ? C'est Lac ? Ouais, Lac. Lac. Ça veut... Louis vient de boire une bouteille de vin en 17 minutes. Je dois aller travailler à 19h. Bisous Laurent. À 19h, il va vendre du vin. Désolé Laurent Tessier. Et Shiny Darkly avec Lake. Et Pedro en est déjà à sa troisième bière. Vaticool, épisode 11 avec Pedro le roi du disco et Louis Legris. Hey. Louis Legris qui est toujours dans une cathédrale, on l'entend. Ouais, je suis en direct de la cathédrale de Reims. Je suis pas à la station en fait. Vaticool est une émission pleine d'actualité. On a reçu beaucoup de messages du public qui étaient terriblement déçus de l'émission précédente de ne pas avoir eu droit à la séquence de notre envoyé spécial du rond-point de la porte d'Aubervilliers, Enzo Bodo. C'est désormais réparé puisqu'il est à nouveau de retour. Donc attention, jingle Enzo Bodo. Sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers, le flash spécial d'Enzo Bodo. Enzo, est-ce que tu nous entends? Alors, nous, on ne t'entend pas du tout. Attends, hop. Ah. Enzo, on ne t'entend pas? Enzo, on t'entend? Enzo, on a plus que 10 minutes d'émission, là. Vas-y, parle. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe sur le rond-point de la porte d'Aubervilliers? Eh bien, je suis en direct du rond-point de la porte d'Aubervilliers, comme à mon habitude, et c'est un avant-goût de printemps que nous avons vécu aujourd'hui sur la porte d'Aubervilliers. Le rond-point s'apprête à redevenir la belle station balnéaire qu'il a été. Les prostituées se découvrent, les enfants roms jouent dans la rue. Et les craqueux se prélassent au soleil. En cette fin de journée, c'est un périphérique bouché en direction de Porte de la Chapelle, mais fluide, vers Porte de la Villette. Et il n'y a pas d'activité particulière, les prostituées sont rentrées chez elles. Elles sont rentrées, Enzo, mais c'est terrible. Qu'allons-nous faire ce soir? Mais elles sont rentrées, mais c'est terrible. Enzo, on a encore des morceaux à passer, là. Pardon, je vous entends mal, Roger. Merci, Enzo, à bientôt. Pour une nouvelle, pour les nouvelles informations. Roger, tu peux pitcher les morceaux à plus 12% du coup pour le reste? Bien sûr. Cool. On sent que t'as bien bossé cette séquence. Ça fera bien Black Metal pour le coup. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Tu aimes le métal, Pierre? Tu aimes beaucoup ça? Écoute, oui. Dis-le dans le micro. J'aime le black metal. J'aime le black metal. Je pense que le micro c'est. Mais il y a un côté un peu metal dans Holy Grail, dans un peu toutes tes productions en fait, avec le côté gros son, là le chaos des esprits. Plus les mélodies en fait. Plus les mélodies. Peu, tu vois, épique. Ouais. Ce qu'on me dit. Un gros côté épique. Ouais. Parce qu'au final c'est les mêmes mélodies dans la secte, suffit de mettre de la. Mais dis-le dans le micro, bon Dieu de merde, avec choix. Tu me saoules, les gars, achète des vrais micros, putain. Je pense que le micro. C'est la bite du curé, tu vois. Vas-y. Je te rappelle qu'on est dans une église. Hein. Enfant de cœur. On est mal. Je ne sais plus ce que je voulais te dire. Vous avez tous les deux la passion des églises et la passion Châteaufort. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Non? On s'en branle? On roule des clopes? Ouais. D'accord. Si tu veux que l'on dise. Enfin... C'est rien. Le logo de ton label, c'est 3 minarets. C'est pas des minarets. C'est vrai, c'est des flèches. C'est des pinacles, ouais. Lui, entre catholiques près, la secte. Enfin, il y a un côté religieux dans ces trucs. Ah, ouais. Ça nous est tombé dessus, je crois. Ouais. Vous l'avez pas fait exprès? J'ai une église tatouée aussi sur le bras. C'est vrai? Ouais. Putain, j'en ai trois. Quelle race d'église? Une église du 11e. C'était le 11e arrondissement. C'était le coin où je retrouvais mes copains quand j'avais 11 ans. C'est vrai? Ouais. Ça aurait pu être, je sais pas moi, un panneau stop ou un arrêt de bus ou une épicerie, je sais pas, c'était l'église du village du coup. Attention, jingle after. Il est où l'after? Merci. C'est assez marrant parce qu'en fait, l'endroit où je retrouvais mes potes quand j'étais gamin et puis ado, et puis pour boire des coups, fumer des joints et tout, c'était en bas d'un château fort en fait. Il rigole. Donc finalement, il y a des liens forts. Est-ce que c'est pour ça aussi toutes les relations? Château fort. On passe un disque? Bah écoute, si t'as pas d'autres questions. On met quoi? On met Vers Kraum, chanson de la pluie de Tours. C'est quoi ça? C'est où? Comment tu dis? C'est le truc écrit en français, c'est le seul. Excuse, j'ai prononcé à l'allemand. Là où nous allons? Non, c'est Forteresse, ça va faire chier tout le monde, c'est trop long. Et... Non, mais Vers Kraum. Mais je l'ai pas ça. Tu l'as pas donné? Bah non, putain, tu l'as pas si donné. Louis, j'ai donné à Louis. Et bah Louis, il me l'a pas donné. Si, je te l'ai donné. C'est Vers Kraum en haut de la tour. Machin. Bon, je la trouve pas, alors attends, on va passer Automatic Waterloo et vous faites pas chier. Ah oui, très bien, c'est la box. Et le corbière est mort. Vaticool, épisode 11 avec Louis Legris et Pedro le roi du disco. Ouais, ça c'était Space Padlocks, ils vont ouvrir pour la release party de la secte du futur à la station, je crois. Mais alors, est-ce que vous seriez en train de me dire par hasard que la release party de la secte du futur, troisième album Bruno Prince, se situera à la station Pluriel. Prince. Wanted Prince, on s'en fout. C'est en anglais, je m'en fous, j'aime pas l'anglais. Ah merde. J'adorais les pubs Prince par contre à l'époque. Des annonces. Cette semaine, c'est l'Haute Fashion Week chez notre sponsor Le Kremlin, situé au 6 rue André-Antoine. Des bitters et du sucre sur une base de choix au rhum, whisky ou vodka afin de profiter de la joie et de l'amertume à venir déguster à Kremlin. 6 rue André-Antoine, 75 018 Paris. Ouais, parce qu'on approche la fin de l'émission, je vais faire des annonces. D'ailleurs, Louis Legris, où peut-on te retrouver? Au PCC dans une demi-heure. Et sinon, à part ça, Facebook, Twitter, Instameuge. Attends deux secondes, je regarde mon programme. En attendant, Pedro. Ouais. Je sais qu'on pourra te retrouver lors de la release party du troisième album de la secte du futur le 13 avril à la station, Gare des Mines. Tu seras épaulé par les Danois de Dune Messaya et les Toulousains de Space Padlocks. Et avec un vient d'écouter. Chance par un line-up pour pas jouer tout seul, quoi. Et ça, c'est bien. C'est pas gagné encore. Il est où l'after, Pedro? C'est toi qui vas me le dire. Au Pigalle Country Club, j'ai l'impression. Un moyen, ouais. Quand est-ce qu'on Donc, parle de Stéphane est-ce que t'as retrouvé, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais. Ouais, j'ai retrouvé mon agenda. Donc, je serai le 23 mars sans souci. Le 28 mars à la Féline, je fais jouer des potes australiens qui s'appellent The Braves. Le 29 mars au Supersonic avec mon groupe La Moderne. Le 7 avril à la Mécanique Ondulatoire, à la maison. Vous pouvez retrouver Dune Messaya en DJ set ou sans souci. Le 12, la veille de la release party de la station de la secte du futur. À la station Gare des Mines, 23 voilà. Avenue de la Porte d'Auvergne. Le 13 avril, on le rappelle. Et le 21 avril à la convention des labels indépendants au Point Éphémère. Après, je pars à LA voir ma copine René. Super. Et après, il y aura Ice Age et Pardance à Petit Bain le 7 mai. Toutes les infos sont disponibles sur le Facebook de Shortcoming Records. Voilà. /Shortcoming Records. Moi, vous pouvez me retrouver dans deux semaines sur cette antenne, même heure, avec une nouvelle paire d'invités dévastatrices. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast iTunes. Abonnez-vous et laissez des commentaires positifs histoire que cette émission soit mieux référencée. Vous pouvez également la retrouver sur Mixcloud, mixcloud.com/roger-2-lille. Nous aurons notre cathédrale là. On se quitte avec un disque. Ok. D'une Messaya. T'as des trucs à dire, je sens que t'as des trucs à dire. Bah, bien sûr, dis-les. Écoutez, attention, on est dans une église. J'avais un rêve, c'était de passer à la radio le jour où Stephen Hawking mourrait. Donc, comme il passe, je vais lui souhaiter un bon rest in peace. Bisous, Stephen. On n'a pas le temps de parler des trous noirs, j'ai l'impression. Mais du coup, je dis au revoir à tout le monde. Bisous, Pierre. Alors, parce que Pierre connaît très bien les trous noirs, il les visite tous les week-ends en after. En after ? Très bon. Vous pourrez donc retrouver Pierre en after. Donc, en attendant, là, on va jouer Dune et Sayak, qui joueront à la release party de la secte du futur à la station Gare des Mines le 13 avril. La release party de la secte du futur à la station Gare des Mines. Il coûte que 7€ en pré-vente. 7€ seulement en pré-vente, 7 euros seulement. Mais c'est pas cher. C'est même pas un paquet de clopes dans ce moment. Non, c'est même pas un paquet de clopes maintenant, en fait. Incroyable. Et on se quitte avec Dune Messaya. Je suis Roger Delisle, le pape du cool. L'émission s'appelle Vaticool. As-tu déjà connu l'amour ? Non, mais c'est pas où ça sort. Time you read the letter of sin, I'm already gone. You wish that someone else would open it up, but you won't change it if you could. There's a change in the air, but you are unaware. Change in the